je pleure toujours très tard, quand tout est terminé, quand le soleil se lève, quand j'ai tout digéré. Il y a tous ces connards qui se croient carnassiers, et jalouse ton phare, ta lumière, tes pensées. J'ai pas reçu de médaille pour vivre en société, car dans ma vanité, je sais me protéger. Car notre sphère est pure et nos mots partagés, ça deviendra l'élite, folie sans parasite des plus beaux. Car l'acier est libéré. Il est toujours trop tôt quand je dois te quitter. Partir est un fardeau qui écrase mes pensées. Tout comme quand il a plu et que l'on trouve en toi, les colères ne sont plus dès lors que tu es là. Ils peuvent bien m'insulter et dire tout ce qu'ils pensent. Ce qu'ils n'auront jamais, c'est lors de ta présence. Car notre sphère est pure et nos joies partagées, elle est déjà l'élite, une vie sans parasite des plus beaux. Car l'acier est libéré. Je me lève toujours trop tard et je prends toute la place. De mon cafard, j'attends que la nuit passe. Je voudrais disparaître pour mieux réapparaître. Que ça serve de leçon avant que je pète les plombs. Notre sphère restera pure et nos lois partagées. Ce sera toujours l'élite d'une vie sans parasite des plus beaux.